always such be on the tongue. Really pop, represent, bring the pong. Entre solitaire, posé en haut d'une colline, voici pour vous espiègle mortel des vibrations salutaires. L'amour, pense au bout des téléphones cellulaires, la confiance près de toi, cherche pas ailleurs, clameur mon salé. De Christ, agent du mot sale, mémoire sale, rangée au fond des bocales, choc cérébral, tape du pied au pal, l'instant d'une vie, oublier l'amertume, scanalisé sur la thune, la drogue n'est pas un défaut, car l'environnement dans lequel on vit fait comprendre à tout un chacun c'est ce qu'il faut. Monte Cristo, priez le Christ, priez tel des cristaux, faire jaillir la joie en soi, magnifico, puissance sortir des étaux, crois-moi, il est jamais trop tard ni trop tôt, un peu de pili pili, fond des gris-gris, faut qu'il s'aboutit. Kuluhani, Shinzanhangi, Hameshengi. Elle aime la pas, sinon elle te s'appelle. Aime la pas, sinon ton moral elle sape. Kulucha, dans la chale d'altercation cogne. Positive grande, la virilité sortira plus que grande. Et attention, faut pas qu'il croque. Dans tes multiples entreprises, ton nid sous le gang-gang. Surtout n'oublie pas les filles. Attention, dans toutes les constances, savoir garder les filles. Malvenant, plein de malveillance, les hypocrites te poussent au crime. Surtout n'oublie pas de vivre, faut que la vie a plein de temps. Est opérationnel, contre le temps, opéra sensationnel, marque les gens. Je suis de l'univers, l'ordre n'est vert. Avec des frelons, déguste avec allégresse. De l'Orient ou d'Afrique, un de ces merveilleux thé vert. Hier n'est pas demain, vice versa, bloqué. Contrôlé, manipulé, Saint-Guizel, destin nul. Sauf l'éternel peut faire ça. Mise et vice, juste, vice. Devant la justice, préjudice, injustice. Je le dis à juste titre. Cette bestiale société à la haine, si t'en t'es pas ainsi. Rochement tout explique. Marche devant le cap fixé, suivez quand même tes arrières. Ceux qui t'ont tous déchiré, bien volant chez les babines. Quel dessin, je te voyant tomber. Plus bactères, et même si l'air est irrespirable, et même si tu penses souffrir des maux incurables, au bout des sourires n'est l'espoir. Personnellement, je me considère pas comme étant une bête de foi. Magnificence, avec toi qui es ma science. Regarde-moi se perdre seul dans les vues. Shooter au gras à l'héros, alors tu serais plus la volonté étant dans toutes conditions être héros. Parmi la populace, faire des heureux, malheureux, pourtant valeureux. Valeur humaine bafouée, en haut lieu, valeur gira à eux. Fondée dans les fauteuils, la seringue peut porter parmi nos rangs le noir du deuil. Surtout n'oublie pas le vivre, trace dans le chemin, en toutes circonstances. Savoir garder l'équilibre, à chacun sa chance. Malveillant, plein de malveillance, les hypocrites te poussent au crime. Surtout n'oublie pas de vivre, faut que la vie a plein de temps. Est opérationnel, contre le temps, opéra sensationnel, marque les gens. Non, le droit, le temps. Non, le droit.